Agathoclès, ou lettre écrite de Romée de Grèce au commencement du IVe siècle, de Caroline Pichler. Tome deuxième. Lettre 27e. Agathoclès à Calpurnie, Nisibis, octobre 301. Ta lettre, ma charmante amie, m'a fait un plaisir extrême. Elle m'a transporté à cet heureux moment de ma vie, où vivant à Rome, dans la maison de ton père, avec toi et les siens, je passais les journées les plus agréables. Tu me donnes des nouvelles excellentes de ces aimables amis à qui je pense si souvent, et tu me procures le délicieux sentiment d'être apprécié par toi avec estime, et d'avoir obtenu ta confiance. Je te remercie du plus profond de mon cœur pour chacun de ces plaisirs, mais surtout pour ton amitié, que je chercherai, je t'assure, à mériter toujours davantage. Tu sais, mon ami, et tu le répètes même dans ta lettre, que la liaison du prince d'Arménie avec ta Sulpicie ne m'a jamais paru ni raisonnable ni légitime. Cependant, je ne m'attendais pas à ce dénouement, quoique je crusse connaître parfaitement Tiridate. Et si je l'ai blâmé de son amour pour Sulpicie, je le blâmerai bien plus encore à présent de l'oublier. Depuis notre arrivée en Asie, je ne l'ai presque pas revu, à l'exception du temps du voyage et de quelques jours que j'ai passés à Nicomédie. Nous nous écrivons quelquefois, mais seulement pour des affaires militaires. J'ignore donc absolument sa manière de vivre, et ses alentours ne me sont point connus. Des bruits conformes à ce que tu me dis courent sur lui, mais je ne sais si je dois y ajouter foi. Quand il s'agit de blâmer quelqu'un que j'aime, j'attends le plus qu'il m'est possible, et avant de faire parler la voix sévère de l'amitié, il faut que je sois convaincu par mes yeux que mon mari mérite cette sévérité. Sois donc bien persuadé que je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour connaître l'exacte vérité, et que j'agirai alors d'après les circonstances pour répondre à ta confiance et sauver du désespoir la malheureuse Sulpicie. Sans vouloir justifier à l'avance Tiridate, je te prie seulement de faire attention qu'il est assez distingué par sa naissance, sa fortune et ses qualités personnelles pour être remarqué par la foule oisive, toujours disposée à critiquer, envier et blâmer, et qu'un jeune prince, beau, aimable, vivant dans une cour dissolue, est exposé à bien des tentations, que tout ce qui pourrait arriver est déjà regardé comme exécuté. Le monde, en général, juge et parle sans réflexion. Une preuve que je puis déjà te donner contre les bruits qui se sont répandus, c'est qu'il est faux que Tiridate ne peut consentir à s'éloigner de Nicomédie. Il est, la plupart du temps, à l'armée près de César Galerius, où il s'est distingué par sa valeur et par des talents de général d'armée. D'ailleurs, je ne te dis point cela pour excuser Tiridate. Je ne sais rien ni pour ni contre lui, mais peut-être que ses réflexions pourront alléger le chagrin de Sulpicie et empêcher cette intéressante femme de succomber à son désespoir. Si rien ne s'oppose à ce qu'elle sache que tu m'as écrit, dis-lui de ma part qu'elle m'inspire le plus tendre intérêt, que je pleure avec elle, que je suis moi-même trop malheureux pour ne pas comprendre et partager ses souffrances. Dis-lui de ne pas trop se fier au témoignage de Marcus Alpinus. Il m'est connu depuis longtemps comme un homme d'un esprit transcendant, mais gâté par le commerce du grand monde et par la volupté. Son cœur est de glace. Il ne croit pas à la vertu et n'accorde quelque estime qu'à ce qui peut procurer à ses sens des jouissances. Son opinion peut être juste, parce que les passions et la sensibilité ne l'égarent jamais. Mais aussi, il peut se tromper en jugeant les autres d'après lui-même, et j'espère que c'est ce qui lui est arrivé avec Tiridate. Défie-toi, cher Calpurnie, en général, des bruits publics. Ils sont le plus souvent faux ou exagérés. Je me doute qu'ils t'ont aussi appris quelque chose de mon sort actuel. La dernière phase de ta lettre me le fait présumer. Mais tu ne me parais instruite qu'à demi, et je veux te rendre confiance pour l'avenir. Te souvient-il de cette Larissa, l'amie de mon enfance et l'amante de ma jeunesse, dont j'aimais tant à te parler et que je croyais avoir perdue pour jamais? Le sort, toujours implacable, me l'a rendue, mais non plus comme mon bien. Elle est la femme de mon général. Je ne prétends pas te persuader que ce titre a triomphé de mon amour et que l'épouse de Démétrius me soit devenue indifférente. Tu ne le croirais pas. Non, Calpurnie, j'aime encore Larissa comme dans le temps où elle me fut enlevée. Mais cette passion n'a nul rapport avec celle de Tiridate et de Sulpicie. Elle n'est point réciproque et remplie d'espérance. Larissa, contente d'avoir retrouvé l'ami de son enfance, le traite avec amitié, mais rien de plus. Elle est chrétienne, l'épouse d'un chrétien. Leur religion donne une telle force au lien du mariage que la mort seule peut les dissoudre. Je ne me permets donc pas la moindre espérance. J'adore Larissa, mais j'aime aussi Démétrius. J'ai défendu sa vie au péril de la mienne, et je le ferai encore. Plains-moi, mon ami, et je t'en conjure, ne tourne pas en ridicule mon amour sans espoir. Il faut être heureux pour supporter des plaisanteries. Si tu veux me favoriser encore d'une lettre, et me donner des nouvelles de toi, de ta famille et de notre malheureuse Sulpicie, aie la complaisance de l'adresser à Nicomédie sous enveloppe à mon père, qui sait toujours où je suis. Peut-être y serai-je bientôt moi-même. Le désir ardent de fuir une situation qui ne s'accorde ni avec mon repos, ni avec mes principes, et l'obligation de parler à Tiridate, m'appelleront bientôt sans doute à Nicomédie. Reçois encore mes vifs et tendres remerciements pour ta confiance, et l'assurance que dans quelque lieu que j'habite, dans quelque circonstance où je me trouve, le plaisir de recevoir de tes nouvelles sera toujours pour mon cœur une douce jouissance et ton amitié un baume consolateur.